Bonjour chères auditrices et auditeurs. L'association Ralentir pour vivre nous embarque dans une aventure hors du commun. Que dire, quoi dire? Je ne saurais. Laissons donc la place à ces visiteurs venus de la Lune enquêter sur la vie sur Terre à la rencontre des terriens. Mais salut, hey. Salut. T'as vu quoi sur la Terre aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai vu sur la Terre aujourd'hui, fou? Non. Oui. Sérieux? Je pense que c'est chronique sur la Terre, tu crois pas? Je sais pas. Ah bah là, tout à l'heure, je sais pas, c'était le festival. Ah bon? Ah ouais. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Bah ils sont fous. Oui, mais... fous, ils font des comportements complètement incohérents. Non mais fou. Fou, allié. Eh ben, moi j'en ai vu qui marchaient sur la tête. Ah oui. Ah oui, pas mal. C'est pas juste ça. Bonjour madame. Bah, ça dépend ce qu'ils font sur la tête. Ils font peut-être du rap, du freeze, du smurf, du... Tu oui. sais, là... Attends, il y a une terrienne, là. Oh, c'est moi, petite dame. Ils nous connaissent bien, maintenant, les terriens. Ils se sont habitués à nous. Ah hein. Oui, hein. On... Tu me diras, nous, on s'habitue. Ah oui. Difficilement, non. Eux, quand même. Quand même. Voilà, ma petite dame, bah, moi, je suis Tac, il y a Tic aussi, puis il y a Toc. En fait, on vient de la Lune, et puis on est venu voir ces terriens. Ça bougeait beaucoup de loin, puis on s'est vraiment demandé ce qui se passait. Donc, on est venu les voir. Donc, la première chose qu'on aimerait savoir, c'est quelle tranche d'âge? 15, 25, 25, 40, 40, 60 40, 60. 40, bon, voilà. Puis, quel secteur professionnel Bâtiment, voilà. Bon, voilà. Bon, maintenant, on va poser la question qui tue. Hein. Attention. Si vous pouviez comparer votre rythme vie avec un genre de musique, ce serait lequel? Jazz. Oh, mais c'est beau tout ça. Mais ils sont poétiques, ces terriens. Oh, mais c'est joli. Oh, trop mignon. Votre vie est comme le jazz, elle est... C'est des fois rapide, des fois, c'est plus... Des fois, c'est un peu plus calme, mais des fois, il y a plein de notes. Puis en fait, il n'y a rien qui est prévu, quoi. Oui. Oui, c'est un peu, voilà. C'est du jazz, quoi. Oui, c'est beaucoup d'impro, ouais. Ouais, il y a de ça, ouais. Voilà. Et puis, s'il existait des contraventions quand on speed trop, vous en auriez eu combien la semaine dernière? Ah, ouf, bah, au moins deux par jour. Deux par jour. Eh bien, son permis à point pour vivre, il va être pété. Alors, rappelez toujours ses doses par la petite dame. Oh, ben, c'était rien, mais ils sont fous, c'était rien, mais c'est pas possible. Enfin, bref. Et puis, bon, dernière question, si on pouvait... Si vous pouviez acheter des heures supplémentaires par jour pour vivre, vous en achèteriez combien? Oh, 24. Oh, purée, 24 plus 48 heures par jour. Ouais, parce que je suis très lente, alors je fais les choses et il me faut du temps. Alors au moins, voilà, j'aurais le temps. Vous auriez le temps? 48 heures. Ouais. Le temps de vivre, alors. Oui, voilà. Parce qu'il y a 24 heures pour faire ce que je fais, puis 24 heures pour avoir une journée. Ah voilà. Ouais. Ah, c'est une petite organisation à laquelle je n'avais pas franchement songé, mais c'est une idée. Hein? Oui. Voilà. Donc, deux fois deux, quoi. Ouais. Oui, voilà, 48 heures. Ouais. Bon, ben, écoutez, ma petite dame, moi, j'écoute à l'éthérien, hein, parce que moi, vous savez, je viens de la Lune, alors... Je comprends pas grand-chose, mais c'est fort intéressant. Ben, on vous souhaite une bonne fin de journée et on vous remercie infiniment. Merci. Merci. C'est une chanson pour les enfants qui naissent et qui vivent entre l'acier et le bitume, entre le béton et l'asphalte. Et qui ne sauront peut-être jamais que la terre était un jardin. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer. Ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin, une maison, des arbres, avec un lit de mousse pour y faire l'amour. Et un pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée, et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il était assez grand pour des milliers d'enfants. Il était habité jadis par nos grands-pères qui le tenaient eux-mêmes de leur. La, la, la, la, la. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître? Où nous aurions pu vivre insouciants et nus? Où est cette maison, toutes portes ouvertes? Que je cherche encore et que je ne trouve plus. La, la, la. Bravo. Sérieux. Premier degré. Bonjour monsieur, vous êtes terrien? Tout à fait, oui. Bon, voilà. Tranche d'âge, 15-25, 25-40 25-40. Dans une tranche, vous êtes? J'ai 25, donc je suis entre les... Ah oui, vous êtes... Ouais, ça, c'est toujours embêtant, les tranches. Si vous pouviez comparer votre vie à un genre de musique, ce serait lequel? La soul. La soul? Oui, la soul, ouais. Ah ouais, c'est-à-dire votre vie, elle est... C'est un long fleuve tranquille, comme on dit. Waouh! Je me laisse porter, je regarde ce qui se passe et je suis content de ce qui se passe en général. Ah, j'ai oublié de vous demander dans quel secteur vous étiez, professionnel ou autre. Je suis dans le milieu de l'animation des jeunes, des enfants, etc. Donc c'est soul chez vous? Bah, j'essaye d'être soul au maximum. Après, des fois, j'ai un peu de jazz qui arrive quand j'ai beaucoup d'énergie. Ah, d'accord. Mais c'est plutôt soul. Voilà. Et s'il y avait des contraventions quand on speed trop, vous en auriez eu combien la semaine dernière? Quand on speed trop. Quand t'es né trop. Ouais, dans la vie, oui. Oh là, je pense 4 euros. Non, combien vous auriez eu de contraventions? Ah, bah, 2 peut-être. Peut-être 2. Ouais, peut-être. D'accord, ok. Ok. Oui, pas beaucoup, quoi. Vous speedez pas énormément. Ouais, non, ça sert à rien. Puis si vous vouliez racheter des heures supplémentaires par jour, vous en rachèteriez combien? Si, en partant du principe que mes journées sont tranquilles, si je rajoute trop d'heures, à force, je vais être trop tranquille et je vais peut-être encore plus déprimé. Donc les journées, ça me va très bien comme elles sont. Bon, et bien vraiment, les terriens, ils sont tous différents. Je crois que Tokyo avait vraiment raison. Merci beaucoup, monsieur. Mais de rien, merci à vous. Merci. Scab da da bam da da do do do. Scab da do do do do. Je suis le roi de la danse. Oh, la jungle est à mes pieds. De la puissance, je suis au plus haut. Et pourtant, je dois vous envier. Je voudrais devenir un homme. Ce serait merveilleux. Vivre pareil aux autres hommes. Loin des singes ennuyeux. Oh, Boubidou, je voudrais marcher comme vous. Et parler comme vous, faire comme vous, tout. Un singe comme moi, pourrais-je croire être parfois bien plus humain que vous. Yeah. Oh, oh, oh, oh. Pourtant, suis pas dû. Si je marchande avec vous, c'est que je désire le moyen d'être un homme, un point c'est tout. Dis-moi le secret pour être un homme, est-ce vraiment si mystérieux? Pour moi faire éclore la grande fleur rouge, ce serait merveilleux. Oh. Bon, alors là, je suis au milieu de terriens qui évidemment sont autour d'une table. Mais c'est fou, ces terriens pensent qu'à manger. Bon, je vais poser la question à ma petite dame là, la petite dame qui est devant. Petite dame, ma petite dame, d'abord vous êtes dans quelle tranche d'âge? 25-40. C'est beau ça. Et puis dans quel secteur vous êtes, vie privée, professionnelle, enfin ce que vous voulez? En cours de création d'entreprise. Ah ben voilà, en cours de création. Alors je vais vous poser une première question, ma petite dame. Si vous pouviez comparer votre vie à un rythme de musique, ce serait lequel? Un genre de musique. La techno. Ah d'accord, la techno. Pourquoi votre vie, elle est comme ça, elle est... C'est moi qui suis comme ça. Ah oui, ah bon, d'accord. Mais le rythme de votre vie, il est en fonction de vous, alors? Bah oui. Ah oui, c'est-à-dire? Et puis il y a l'agitation aussi extérieure, l'agitation des autres. Ah oui, d'accord. Ça vient m'impacter aussi, mais c'est dans ma tête que ça fait... Ah d'accord. Ah d'accord. Dans tous les sens. Ah d'accord, ouais, je vois. Eh bien... T'es pas toute seule dans ta tête, quoi, c'est ça? Ouais, je vais passer à une deuxième question. Il y a du monde là-dedans. J'ai l'impression que les terriens, il y a du monde. Dans une tête de terrien, il y a du monde. Alors, maintenant, la deuxième question. S'il y avait des contraventions quand on speed trop, la semaine qui vient de s'écouler, combien en auriez-vous eu? Combien de contraventions? Ça dépend le montant. Non, mais de contraventions, de fait que vous speedez trop. Ah, j'en aurais une... Ah, la semaine dernière. Ouais, une bonne quinzaine. Une quinzaine? Mais j'y crois pas, mais ces terriens sont malades, mais c'est pas possible. D'habitude, c'est pire. D'habitude, c'est pire. Oh, mais ma pauvre dame, mais c'est pas possible. C'est tranquille, hein. Non, franchement, ouais, je comprends, techno, hardcore, hard. Ouais. Mais ça dépend si c'est speedé physiquement ou speedé dans la tête. Speedé dans la tête. Ah ouais, bah, ouf. j'ai peut-être minimisé. Ah bon, d'accord, elle nous fout les frissons, la petite terrienne, là. Alors, dernière question, si vous pouviez acheter des heures supplémentaires, combien en achèteriez-vous par jour? Plein. Moi, je sais pas. Tu gagnes l'auto. À l'infini et l'au-delà. Je sais pas combien je rajouterais par jour. Ah bah, le double, au moins, quand même. 48 heures? Ouais. Mais ça va pas. Mais ils sont fous, ces terriens. Mais si on n'a jamais le temps de tout faire. Ah bon? Bah non. On n'a pas assez d'une vie pour tout faire. Mais vous feriez quoi avec 24 heures de plus? Ah bah, je prendrais soin de moi un peu plus. Ah. Intéressant. Ah, c'est le bordel, ça. Ouais. Bon, ben, bah, on... Il y en a du taf. Bon, ben, bah, écoutez, madame, on vous remercie infiniment. Voilà, pof. huevoni, yo de Burberry, fuma locura, motita cherry, super dorada, cacha de panguda, las morras frietas me ponen levi, una gorrita de sal del pescado, tapan la mirada, poco sale levi, me nagando, voy metiendo goles, y en el putero me dicen el baby, y en el putero me dicen el baby, de Psycho Bonnie o de Burberry. Cero Plata Productions. Fuma locura, mordita. Fuma locura, mordita. Fuma locura, mordita. Tengo la pistola como Christopher. 23, 23. Tengo el buche y la cachucha, mijo, algo bien. 23. Metiendo con el Dendy viendo el UFC. 23, 23. Tengo la pistola como Christopher. 23. Arriba la mafia, yeah. Sigma Records. Empresa SM. Aquí seguimos grabando, pariente. Estás escuchando Cero Placa Productions. We'll be right back. Même si ça ne s'engage pas en grand-chose, les trois questions. Bon, déjà, la tranche d'âge, 15-25, ouais, 25-40, presque ça. Bon. Un peu plus de 60. Voilà. Et puis, secteur professionnel Retraite, maintenant. Voilà. Alors, la première question, ça va être rapide. Première question, si on pouvait comparer votre rythme de vie à un genre de musique, ce serait lequel? C'est un tango, on va dire. Waouh, joli. Oh, mais il y a des terriens qui nous font des sacrées surprises, hein, parce qu'on vient de la Lune, en fait. Voilà, c'est tac et tic et toc. Enfin, on est des habitants de la Lune qui venons interroger des terriens. Voilà. D'accord. Alors, deuxième question, c'est si vous aviez des contraventions quand vous speedez trop, combien en auriez-vous eu la semaine dernière? Oh, pas trop. Pour la semaine dernière, ça va, c'est calme. Alors... je sais pas. Oh, je vais dire une quand même. Il a encore son. Ça arrive quand même souvent sur la route. Non, mais on parle pas sur la route, dans la vie. Oui. Je vois ce que tu veux dire. Bon, c'est un terrien qui a encore son permis de vivre. Il a encore ses 12 points. Même s'il n'en a que 10, il en a quand même encore. Tout va bien. Voilà. Et dernière question, si on pouvait acheter des heures supplémentaires par jour, combien en achèteriez-vous pour vivre? Ah ben, il y a des jours, on va dire 5 ou 6. Par jour? Oh, mais il est gourmand celui-là, au menu d'homme, c'était rien. Bon, bah écoutez, monsieur, on vous remercie infiniment. Voilà. Et puis voilà les terriens qui courent. Ils courent. Ah, une terrienne qui rit. On a de la chance, une terrienne qui rit autour de cette table. Bon, alors, d'abord la tranche d'âge, 15-25, 25-40 ou 40 et plus. 40 et plus. 40 et plus, bon, c'est intéressant. Et puis le secteur de votre profession ou... Dans la santé. Dans la santé, c'est intéressant ça, voilà. Alors, on va passer aux choses sérieuses. D'accord. Si vous pouviez comparer votre vie à un genre de musique, ce serait lequel ? Actuellement ou toute ma vie ? Ben, dites-nous déjà actuellement, puis vous nous direz ensuite toute votre vie. Alors actuellement, c'est mystérieuse, un petit peu une musique bizarre. On s'imagine dans le jungle, un petit peu, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Waouh ! Et dans votre vie complète, c'était quoi avant ? Comme des vagues, comme l'océan, des fois calme et des fois tout agité. Alors comme genre de musique, ça donne quoi ? Musique. À voir. Dans la classique, il y a des symphonies ou des trucs. Comment on appelle ça ? Tannhauser. Il y a des compositions. Voilà, j'ai cherché le mot. Où il y a des parties très agitées et des parties super calmes et ça s'alterne. Ah d'accord, je comprends. Maintenant j'ai une autre petite question. Si on pouvait vous donner des contraventions quand vous speedez trop dans votre tête ou dans la vie, combien en auriez-vous eu la semaine qui vient de se passer ? La semaine qui vient de se passer. Pas trop, peut-être trois. Oh, mais le sage. Oh, une terrienne sage, quand même. Alors, je ne veux pas dire que... Alors, j'ai l'impression que j'ai fait beaucoup, mais je le fais plus speedé. D'accord. Ah, c'est bien ça, bravo. J'ai changé. Oh, bon, on est content. Alors là, oh, ça nous fait plaisir. C'était pas pareil il y a quelques années. Oh, ben, ça nous fait plaisir. Alors ça, c'est joyeux. Alors, dernière question maintenant. Si vous pouviez acheter des heures supplémentaires par jour, combien en achèteriez-vous ? Je sais pas. Je sais pas si j'en achèterais. Ah, mais les sages ! Parce que vous comprenez, nous, on vient de la Lune. Parce que, à quelque part... Non, je suis contente avec ma vie, même si elle est très mouvementée. Bien. Et des fois, j'aimerais changer le contenu un peu, ouais. Mais pas la durée. D'accord. Parce que vous voyez, depuis la Lune, nous, on voyait les terriens qui couraient dans tous les sens. Donc, on est venu enquêter parce qu'on veut savoir quand même un peu. Donc, il y a des terriens qui sont sages. Tout est relatif. Tout est relatif, oui, je vois, d'accord. Parce qu'il y a encore des extraterrestres qui trouvent que ma vie est trop agitée. D'accord, je comprends. Bah, écoutez, on vous remercie infiniment, madame, pour votre moment consacré à nous répondre. Je suis devant un mur blanc, mais je sais que tu es présent, alors fais-moi un signe. Apparais, je t'attends. Je ne te demande rien, rien qu'un seul geste de la main, alors fais-moi un signe. Montre-moi le chemin. Dis-moi seulement, lève-toi, et j'irai où tu me diras, les pieds nus dans la neige. Fais-moi un signe, fais-moi un signe, fais-moi un signe. Devant ce mur blanc de chaux, de tes yeux azur indigo, alors fais-moi un signe, fais couler un ruisseau. Écris ton nom noir sur blanc, de ce bout de charbon brûlant. Alors fais-moi signe, je suis prêt maintenant. Ça restera entre nous, mais je n'aurai plus jamais froid les pieds nus dans la neige. Fais-moi un signe, fais-moi un signe, fais-moi un signe, fais-moi un signe, que tu fais-moi un signe. Monsieur, vous êtes terrien ? Oui, je suis terrien. Dans la tranche d'âge, vous êtes 15-25, 25-40, 40-60 ou 60 et plus ? 60 et plus. Oh, bon, d'accord. C'est un vieux quoi. Puis dans le secteur professionnel, vous êtes quoi ? Eh ben, je suis prof. Ah, vous êtes prof. Alors, si vous pouviez comparer votre vie, votre style de vie avec un genre de musique, ce serait lequel ? Ah bah ce serait les avec les Beatles par exemple. Ah c'est ouais. Ça votre style ouais. De vie. Ouais c'est ça. Ah oui d'accord ouais. Ok. Dire que votre vie elle est. Elle est gay. Ça bouge beaucoup dans ma vie. Oui. Ouais. Mais tranquillement. Oui assez tranquillement. Ah c'est même. Tranquillement quand même. Oui. Bon, oui non. Oui, parce que les Beatles c'est quand même pas. Ouais, mais c'est un petit peu joyeux quand même. C'est quand même pas les Rolling Stones. Non, c'est pas les Rolling Stones. Ah, non. Les Beatles, c'est quand même plus calme. Ouais, ouais, enfin, moi, je viens de la Lune, je sais pas, oui. Mais il me semble. Ouais, ouais. Et puis, après, si vous aviez des contraventions parce que vous speedez trop, vous en auriez eu combien la semaine dernière ? Oh, bah, je n'aurais pas eu, hein, parce que moi, ah, non. Je suis pépère. Ah, pépère. Quand je roule, moi, je respecte les limitations. Ah, mais il y a des terriens vraiment gentils. Ah, oui, non, et bien. Puis, hein. C'est très bien. Pour rien qu'il y ait les radars. Hein. Ah, oui, non, mais dans la vie de tous les jours, on ne parle pas de la voiture, là. Ah, bah oui, bah non, bah, moi, je respecte les règles. Non, mais le rythme biologique de votre corps. Ah, non, non, le rythme biologique de mon corps, non, je ne respecte pas. Ah. Non, parce que bah, il faut suivre le mouvement, hein, la société, le mode de vie, il est ce qu'il est. Hein, je suis quand même obligé de suivre. Ah d'accord. Donc si vous pouviez racheter des heures supplémentaires par jour, vous en rachèteriez combien ? Ah ben bah, je rachèterais, bah, vous voyez moi, par jour. En tant qu'enseignant, je dois 384 heures par an. Bah, si je pouvais faire 100 heures sup en plus pour un peu plus de sous, ce serait bien. Hein. Eh ben c'était rien, ils nous surprendront toujours. Bah, c'est normal, hein. Ah, si vous le dites. Bon, ben, on vous remercie beaucoup, monsieur. Ah, ben, merci. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut, ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot, ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent. S'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien n'être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs, ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu, merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont. Si vous pouviez comparer votre vie à un genre de musique, ce serait lequel ? C'est plutôt du hard rock. Ah ! Pourquoi ? Parce que j'ai une vie assez mouvementée. Mouvementée, genre montagne russe ? Un peu, oui. Et un peu, effectivement. Oui. Genre carrément Himalaya ? C'est très rythmé, en fait. Très rythmé ? Très rythmé, oui, assez rapide. Je suis assez speed. Oui. Mais c'est speed dans la tête ou speed dans les baskets ? Les deux. Ah. Ah. Ah, là c'est ah. quelque chose. Ah. Et vous le vivez comment ? Comme les montagnes russes, pareil. C'est un ah. peu des hauts, des bas. Ah, on va peut-être en venir à la deuxième question. Ça pourrait être intéressant, éventuellement. S'il y avait des contraventions... Quand on speed trop, combien en auriez-vous eu la semaine qui vient de se passer ? Je dirais 6. Ah ! Ah ! Alors ? Serait-ce une par jour ? À peu près, ouais. Oh ! Au moins. Et pourquoi ? Pas le temps. J'ai pas le temps. Mais on a le temps, monsieur ? Mais ! Mais qu'est-ce que ? Mais ! Mais qu'est-ce que ? Mais ! Mais oh là là là là là là là là là là. Bon, bah on lui pose la troisième question. Peut-être hein. ça va éclairer. Hein. Ah oui, peut-être. Hein. Allez. On va peut-être comprendre. Hein. On va peut-être comprendre. Voilà. Alors, donc, si vous pouviez acheter des heures en supplément par jour, combien en achèteriez-vous ? 4 heures par jour environ. Waouh ! Alors ? Waouh ! Pour faire quoi ? Pour m'occuper de moi, essentiellement. Parce que je n'ai pas le temps. Qu'est-ce que ça empêche ? De qu'est-ce prendre soin de mon corps, meilleure ah. alimentation, oh. meilleure santé physique, ah. oh. Meilleure santé mentale aussi peut-être. Ah. ah, le tout là, le tout qui est lié quoi. Oui. Qu'est-ce que... Si on vous demandait dans quel environnement vous êtes, vous diriez quoi ? Qu'est-ce que vous entendez par environnement ? Ben, je sais pas, vous évoluez dans quel environnement ? Je suis bouffeur. Ah. Ah, et qu'est-ce que ça vous apporte cette expérience de woofer ? C'est très différent de la vie que je menais avant. C'est beaucoup plus tranquille. C'est vachement plus calme. Ça me permet de me reposer. De prendre du temps pour moi, comme je disais, car j'en avais besoin. Effectivement, et ben de déposer toutes ces charges en fait que j'ai. Pour pouvoir être plus moi en fait. Est-ce que vous avez l'impression que les 4 heures qui vous manquent finalement, vous arrivez à les sentir là, tout maintenant, à fait. En ce moment ? Oui. Ces 4 heures là, je les ai, ils sont disponibles. Ça me fait beaucoup de bien. Et donc le genre de musique aurait-il changé ? Oui, tout à fait. Oh ! Intéressant. Tiens donc. Ah oui. Alors ? Ah bon. Zum Beispiel. Pour exemple. Par exemple. On serait plus sur un petit rock doux, je pense. Ouh. Du style un peu planant. Oui, un peu. Ça, c'est rythmé, mais c'est bien rythmé. Du style où on se laisse vivre un peu plus, quoi. Voilà, c'est ça. On se détend, quoi. Ouais.

un peu surprenant. Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à ce rythme-là ? C'est posé et en même temps c'est rythmé. Wow. Il y a des variantes, c'est chaud, c'est surprenant. Oui, c'est chaud temps, patate là. Enveloppant. Mais c'est chaud patate. C'est chaud patate. C'est chaud patatique. Alors... Et alors, la prochaine question, Jack. Alors, la prochaine question. Qu'est-ce que c'est ? Si il y avait des contraventions quand on speed trop, combien en auriez-vous eu ? Quand on speed trop ? Oui, combien en auriez-vous eu cette dernière semaine qui vient de se passer ? J'en aurais pas eu une seule. Wow. Non mais là, respect. Ah. Respect. C'était rien, ils sont époustouflants. Punaise, surprenant. Mais surprenant. Moi je... Mais moi je suis, mais... éberluée. Moi aussi. Mais c'est fou. Ah. Vous pouvez être très fiers de vous. Oui. Moi ça me rassure. Hein. Oui. Quant à l'avenir de l'humanité, oui. Je trouve ça, je sais pas, t'as... Oui. Ah ben si, tic, écoute. Attends. Parce que de loin quand même, ça fourmille à toute barzingue et t'arrives, tu demandes à un terrien, puis il te répond autre chose, quoi. Ça veut dire qu'il est caché sous les autres qui courent. Ah. Ah, mais parce que le bien ne fait pas de bruit. Ah, ça doit être ça. Dernière question. Si vous pouviez acheter des heures supplémentaires par jour, combien en achèteriez-vous ? De plus pour le sommeil. Ah, malin. Mm-hmm. Malin. Équilibré, la petite dame. Équilibré, ah oui. On va à l'essentiel. Quoi. Ah ouais. Oh. Moi, je trouve ça quand même super sage. Oui, moi aussi. Ah oui. Ouais, là, là, je mets un. Chapeau. Ah oui. Chapeau. Super fan. Ah ouais. Ah ouais. Ah, moi, je suis super fan. Trophée. On vous met le trophée. Ah oui. Clairement. Jazz. Ouais. Pas de jazz, hein. Café jazz, ne pas confondre. Alors, moi, je lui mets le label fun, tu vois. Parce que là, café jazz, pff, y a pas de contravention. Non, pas de contravention douce sur son permis de speed, là. Hein? Après ça, 3 heures juste pour dormir. Ou... Bon, hein. Puis il y a un rapport à la vie terrestre qui est plutôt serein, ouais. On peut le dire. Ouais, on le sent, là. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Moi, ça me donne envie d'habiter sur Terre, finalement. Ah. Attends, hein, on va voir, on va continuer notre enquête, je ne sais pas. Hein. Okay. Je suis bien sur la Lune, moi. Ouais. Tu avais raison. Nous vous remercions infiniment. Merci. Merci à vous. Sur le pays, très chaudement, dans un bain de foule dévot, à moitié épaillé. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz, c'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit. Serveur central, un monde nouveau, on en rêvait tous. Bah, que savions-nous faire de nos mains? Monde nouveau, on en rêvait tous. Bah, que savions-nous faire de nos mains? Zéro, attraper le Bluetooth. De demain, on le bégayait tous, sans n'y comprendre rien, à la loi nouvelle des éléments qui nous foutaient la frousse. Pousse les poils en même temps, la clarté nous pendait au nez, dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait cerner, l'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central. Un monde nouveau, on en rêve tous. Mais que savions-nous faire de nos mains? Monde nouveau, on en rêve tous. Mais que savions-nous faire de nos mains? là, je vais vous interroger, madame. Vous êtes terrienne ? On dit que je suis. Ouh, on dit qu'elle est. Et puis, vous avez une tranche d'âge de quoi ? 15-25, 25-30, 30-40, 40-50, tous vos cheveux. Très bien. Oui, non, mais écoute, Toc, s'il te plaît, il faut quand même que j'interrompe deux, trois terriens, quand même. Non, mais sérieux. Dans quel secteur professionnel vous êtes ? Dans le démolissage. Dans le des oiseaux. D'accord. Non, mais c'est sérieux ce que je vous demande là, madame. Le démolissage des oiseaux. Le démolissage des oiseaux. D'accord. Ceux qui volent dans le ciel. Ceux qui volent dans le ciel. D'accord. Si vous pouviez comparer votre vie à un genre de musique, ce serait lequel ? La zumbata. C'est quoi ? C'est la zoom avec de la bata, c'est une fusion, mais voilà. C'est-à-dire, votre rythme de vie ressemble à quoi, alors ? Zumba, zumba, tata, zumba, zumba, tata, voilà, du matin au soir, zumba, tata, et puis voilà. D'accord. En terre, c'est ça. D'accord, ok. Et puis, si vous aviez des contraventions quand vous speedez trop, combien vous en auriez eu la semaine dernière ? Des contraventions... Quand vous speedez trop dans votre vie. Moi, il me faudrait plutôt des contraventions quand je speed pas. Ah ! Oh, mais on a des terriens qui ressemblent pas aux autres, là. Waouh, ça change. Et puis, si vous pouviez avoir des heures supplémentaires par jour, vous en auriez combien ? Vous en demanderiez combien ? Des heures supplémentaires sur pour une vivre. Journée de 36 heures ? Non, de 24. Ah, de 24. Ah oui, de 24. 3. Pourquoi 3 ? Ben, matin, midi, soir. Ah, une le matin, une le midi, une le soir. Voilà, c'est ça. Prescription du médecin. D'accord. Docteur Touffu. Eh ben, je crois que Toc n'avait pas tort. Ils sont quand même un peu fêlés, ces terriens. Merci beaucoup, madame. C'est un pays, fallait que je t'en parle. Car je l'ai dans le cœur, comme tu crois pas. Quand je suis pas dedans, c'est pas normal. À croire que le monde n'existe pas. C'est pas fait pour les cons qui râlent. Après la pluie ou je sais pas quoi. Moi, j'aime mieux sous un ciel qui se balayé par un vent. Et qui reprend quand ça lui plaît. Et ce putain de lac qui résonne quand elle a pris, tout le monde le sait. Là-bas, si c'est pas pour ta pomme, on te le fera savoir vite fait. Ils en ont vu passer des tonnes de colons et voire même d'anglais. Parfois toute ta violence qui fait lever le poing sur la place, qui rappelle qu'il y a méfiance après la langue, gros fils de race, qu'elle sait pas trop gêner la France pour lui mettre les pieds dans la crasse. Et quoi que l'idée d'indépendance ne laisserait pas vraiment de place. Car ça n'aime pas les concurrents à la cupidité du mal. Et qu'une duchesse encore enfant s'est fait mettre d'une manière royale. Sa liberté c'est l'océan qui n'a lui parfois de mes étoiles. Et cette terre qui a fait serment d'être à jamais internationale. C'est au cri des oiseaux de mer quand ils reviennent près du rivage. Que j'ai compris qu'il y a l'enfer, mais que ça vaut toujours mieux qu'une cage. Et même quand chaque jour est une guerre qui ne se lit que sur les visages, ici on ne parle pas de sa misère et encore moins de son courage. Si j'en rajoute un peu, tant pis, au début c'était bien dit que je l'aime. Quand on se perd tous putain de pays, bien plus chaud que la gonzesse que je traîne. J'ai pas fini d'ouvrir pour lui je filerais même des châtaignes. Au premier salaud qu'il détruit ou qui voudrait lui remettre. C'est un pays, fallait que je t'en parle, car j'ai dans le cœur comme tu crois pas. Quand je suis pas dedans, c'est pas normal, à croire que le monde n'existe pas. C'est pas fait pour les cons qui râlent après la pluie ou je sais pas quoi. Moi j'aime mieux sous un ciel qui chauffe, balayé par un vent. C'est un pays, fallait que je t'en parle, car j'ai dans le cœur comme tu crois pas. Quand je suis pas dedans, c'est pas normal, à croire que le monde n'existe pas. Pas fait pour les concurrents, après la pluie ou je sais pas quoi. Moi j'aime les sous-assiettes qui se balayent par un vent.